يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Avant de rentrer dans le nouveau chapitre, Inch'Allah, Kitab al-Zakat, je voulais rectifier une erreur que j'ai dit la semaine dernière concernant les questions-réponses. Enfin, j'ai répondu assez hâtivement et au final, j'ai dit exactement le contraire de ce que je voulais dire. Donc, il faut que je rectifie. Awalan, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Quelle que soit mon excuse ou quelle que soit la raison pour laquelle j'ai dit cette erreur, je ne suis pas excusable. Ala kulli hal. Et je vais rectifier ici ce que j'ai dit, qui était totalement faux la semaine dernière, afin que les choses, Inch'Allah, soient claires, et que, Inch'Allah, vous soyez aussi au paix et, avec une solution clairvoyante concernant ces sujets-là. Concernant, la question a été posée ainsi, est-ce que les femmes peuvent prier la prière sur le mort? Ça, c'est un. Deuxième chose, est-ce qu'elles peuvent suivre le cortège funéraire? Donc, la semaine dernière, j'ai dit, à l'al-rajala, c'est-à-dire de manière assez précipitée, que elles pouvaient suivre le cortège, seulement elles ne pouvaient pas prier sur le mort. C'est exactement le contraire. Elles peuvent prier sur le mort, par contre, pour suivre le cortège, on verra que c'est sujet à divergence. Le fait qu'elles peuvent prier sur le mort, ceci est corroboré par le hadith, que l'auteur du livre, Cheikh Abdur Rahman bin Siad, rahmallah, a cité dans son livre, من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. Celui qui assiste à une janaza jusqu'à ce que l'on prie sur cette personne, alors il aura une qirat, c'est-à-dire une montagne grande et énorme de hasanat. Et celui qui assiste jusqu'à ce qu'il soit enterré, alors celui-là aura deux qirats. Ce hadith, il est arabe, dans le sens il est général, il concerne les hommes et les femmes, sans distinction. Il nous faudrait un dalil pour dire qu'il y a une différenciation à faire entre les hommes et les femmes. Donc ce hadith, il est général. Aussi, il faut dire que Aïcha radiallahu anha a prié sur Sa'd ibn Abi Waqqas. Et bien sûr, personne ne l'a repris par rapport à ceci. Donc, la prière sur le mort pour les femmes est légiférée, à la condition, bien sûr, qu'elles respectent les règles qui s'imposent et qu'elles soient derrière les hommes. Concernant maintenant le fait qu'elles suivent le cortège funéraire, ceci est sujet à divergence entre l'interdiction formelle et entre, on va dire, al-karaha. Al-karaha, c'est le fait que ça soit seulement réprouvable. Les savants s'appuient sur le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 1278, le hadith de Umm Atiyya, qui a dit « Nuhina an ittiba' al-janaiz wa lam yu'zam 'alayna ». Dans ce hadith-là, cette parole-là plutôt de Umm Atiyya, a causé la polémique, a provoqué la polémique chez les savants, puisqu'elle dit « Nous avons été... » on nous a interdit de suivre la janaza. On nous a interdit de suivre la janaza. Puis elle dit juste après, voilà mieux azam alayna, c'est-à-dire, mais ceci n'a pas été de manière formelle. Alors, la divergence tient sur la compréhension de cette parole. Nuhina an ittiba' al-janaiz, c'est la première partie. Nous avons été ordonnés de ne pas suivre. Nous avons été interdits ou on nous a interdit de suivre al-janaza, le cortège funéraire. On comprend ici que cette interdiction provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une première chose. Sur la base de ceci, certains savants disent qu'il est formellement interdit à la femme de suivre le cortège funéraire. Et ils disent que et ceci ne nous a pas été confirmé. Ceci n'est que la parole de Umm Atiyya et c'est une compréhension personnelle qui ne vient pas remettre en cause l'interdiction formelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une manière de comprendre le hadith Et ceux qui comprennent ce hadith comme ça, ils disent que l'interdiction, elle est formelle, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris une nuance sur l'avis de Umm Atiyya. Le deuxième avis, c'est le fait de dire que, effectivement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit aux femmes de suivre le cortège funéraire, mais il ne l'a pas fait de manière péremptoire, c'est-à-dire de manière formelle. Donc, ils disent que le statut juridique descend de l'interdiction vers al-karaha, c'est-à-dire la réprobation. Seulement. À la Kudahal, beaucoup de savants contemporains interdisent complètement aux femmes de suivre le cortège funéraire, parmi eux, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Faymin et d'autres. Et, Inch'Allah, pour sortir de la polémique, il est préférable pour les femmes, Inch'Allah, de ne pas le faire. Il y a une troisième problématique que je voulais citer, que je voulais vous citer. J'avais répondu la semaine dernière aussi, mais sans rentrer dans les détails. C'est, est-il permis aux femmes de visiter, les tombes? Alors, on a plusieurs hadiths. Le premier, c'est un hadith authentique où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allahu zawwarat al-qubur wal-muttakhidin 'alayha masajida wa suruj. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a maudit celle qui visite fréquemment les tombes, ainsi que ceux qui construisent des lieux de prière sur les mosquées, wa suruj, et qui utilisent ce qu'on appelle des lampes ou des lumières afin de faire des veillées, on va dire. Tout cela se maudit. Ce hadith est authentique. Il ne fait aucune polémique et il est relativement clair de sens. Seulement, on a une version rapportée par l'imam Ahmed qui, elle, est, après étude minutieuse, est faible. Que dit cette version? La'anallahu za'iratil kubur. Allah a maudit toutes celles qui visitent les tombes. Alors, quelle est la différence entre les deux versions? La première version, Allah, le prophète dit, Allah a maudit celles qui visitent fréquemment les tombes. Zawwarat, c'est ce qu'on appelle en arabe, siratul mubalara, zawwarat. Et on a dans la version qui est faible, zairat, ism fa'il. C'est-à-dire que celles qui visitent les tombes ne serait-ce qu'une seule fois. Dans le premier hadith, le prophète a interdit celles qui visitent fréquemment les tombes, et dans le deuxième hadith, le prophète a interdit celles qui visitent les tombes de manière générale, ne serait-ce qu'une seule fois. Vous voyez que si cette deuxième version est authentique, alors l'interdiction serait globale. Or, cette deuxième version de Za'irat al-Kubur, c'est-à-dire celles qui visitent les tombes de manière générale, cette version-là est faible. Donc, on ne peut pas s'en tenir, s'appuyer sur elle pour en tirer un statut juridique. Al-Qawl al-Sahih concernant ce sujet, c'est qu'il est permis aux femmes de visiter les tombes à la condition qu'elles respectent plusieurs choses. Premièrement, si l'on craint que par la visite des tombes de ce groupe de femmes ou de ces femmes, ne serait-ce qu'elles, quand bien même elle ne serait qu'une seule, si on craint une fitna, c'est-à-dire une tentation pour les hommes, par exemple, ou alors que l'on craigne qu'elles fassent des choses qui ne sont pas conformes à l'islam, comme ceci était le cas des femmes de l'Jahiliya, et d'ailleurs aussi beaucoup de femmes parmi les musulmanes le font encore, comme le fait de se déchirer les vêtements, le fait de crier, le fait de se raser la tête, etc., ou alors le fait de faire du shirk, hein, ou alors le fait de sortir mutabarrijat, c'est-à-dire avec des vêtements qui attirent le regard. Si on craint qu'il y a une de ces choses-là qui peut survenir, alors on interdit. Et la responsabilité revient à la personne qui est responsable de cette femme, son père ou son mari, ou ses frères, peu importe. Si par contre, on ne craint pas une fitna, alors il est permis qu'elles aillent visiter les tombes à la condition, car même dans ceci il y a une condition, que cette visite des tombes ne se fasse pas à des moments précis. C'est-à-dire, par exemple, le fait de visiter les tombes au début de Rajab, comme ceci se fait dans certains pays musulmans, ou alors au début de Ramadan, ou alors Yom el-Eid. Non, car ceci rentre dans les innovations religieuses. Donc pour fermer la porte à tout ceci, elles ne doivent pas aussi fixer ou viser ces jours-là, quand bien même elles respecteraient toutes les autres conditions pour visiter les tombes. Non. Ceci étant dit, de là, nous allons pouvoir entamer Kitab al-Zaka. Donc c'est un chapitre important, barakallahu fikoum, parce qu'à savoir que la Zaka est le troisième pilier de l'islam. Et comme nous allons le voir, inshallah tabaraka wa ta'ala, cette zaka a des bienfaits et des mérites incommensurables. Convient à toute personne, homme ou femme, toute personne qui est assujettie à la zaka, de la considérer comme elle est. À la place qu'Allah lui a donnée, tabaraka wa ta'ala, à savoir qu'elle est le troisième pilier de l'islam. Kitab al-Zaka. Az-zakat ou yahwatil kiram, pour que vous compreniez un petit peu la teneur de ce terme, c'est son importance. Il va falloir revenir au sens linguistique du terme, son sens dans la langue arabe, avant qu'il ne soit employé pour ce que vous connaissez. Az-zakat ou dans la langue arabe signifie an-nama, wa tathir, ou tahara, waziyada. Écoutez bien. Az-zakat, elle signifie dans la langue arabe an-nama. An-nama, ça veut dire le développement, la croissance. Quelque chose qui croît et qui se développe. At-tahara. Tahara, bien sûr, ça veut dire la purification. Waziyada signifie le rajout. Ça, c'est le sens linguistique du terme. Alors, vous allez me dire, pourquoi Allah, tabaraka wa ta'ala, a appelé ces biens que l'on donne aux ayants droit par ce terme de zaka, avec l'essence qu'il renferme. Vous allez voir qu'il y a une corrélation très étroite entre le sens linguistique du terme et le sens religieux. Et c'est ce qui nous donne en fait la sagesse pour laquelle la zakat a été instituée dans l'islam. Son sens religieux maintenant. Les savants disent que الزكاه هي حصه مقدره حصه مقدره من مال مخصوص في وقت مخصوص تصرف في جهات مخصوصه. C'est-à-dire la zakat, c'est une part déterminée sur des biens précis à un temps donné, prélevée et redistribuée à des ayants droit définis. Vous avez vu que c'est très très bien encadré. Les biens qui sont prélevés sont institués par Allah. La quantité aussi est légiférée. Le temps où cette zakat est obligatoire est elle aussi définie, ou lui aussi a été défini dans l'islam et dans la charia. Et aussi les ayants droit aussi ont été définis par Allah tabaraka wa ta'ala. On n'a pas trop de marge de manœuvre concernant cette zakat. Là. La zakat, ikhwatil karam, elle a trois grands bienfaits. Premièrement, elle vient fructifier ton argent. Alors vous allez me dire, oui, enfin vous allez me dire vous, je ne parle pas à vous directement, mais beaucoup de gens pensent comme ça. Parmi les musulmans, malheureusement. Ils disent, comment se fait-il que je donne de mon argent et que vous, d'un autre côté, vous nous dites que ton argent augmente. Non. Raisonner comme ça, c'est-à-dire de manière cartésienne, ça c'est l'apanage des mécréants. Le musulman ne raisonne jamais de la sorte. Pour quelle raison? Car tout ce qu'il donne, il sait qu'il le retrouvera d'une manière ou d'une autre. Non. Dans cette vie-là, dans l'au-delà, de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de donner ta zaka viendra te rajouter, non, soit en bien, soit en hasanat, le jour du jugement. Ça, c'est un. Deux, la zakat, elle vient effacer les péchés et les défauts. Notamment, elle vient repousser l'avarice. Mais elle vient aussi effacer les fautes et les péchés, comme on va le voir, Inch'Allah, je vous rapporterai un hadith à cet effet. Troisièmement, elle vient purifier l'âme de celui qui donne la zakat. Et elle l'élève en degré. Non. Allah dit tabaraka wa ta'ala, c'est un verset référent concernant ce sujet et qui nous montre d'ailleurs l'obligation de sortir cette zakat, cette fameuse zakat. Allah dit tabaraka wa ta'ala, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله تبارك وتعالى et prélève de leurs biens une aumône par lesquelles tu les purifieras وتزكيهم بها et tu les béniras et prie sur eux car ta prière est source de quiétude. Donc ici, il y a plusieurs choses dans ce verset. Donc, premièrement, prélève de leurs biens. Donc c'est un ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala impose au prophète, hein, afin qu'il prélève du bien des gens cette aumône par laquelle ils vont se purifier et ils vont atteindre ou gagner la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalli alayhim et prie sur eux, c'est-à-dire invoque pour eux. Ici, la prière a le sens linguistique et invoque pour eux car tes invocations sont une source de quiétude. Ah. Entre parenthèses, barakallahu fikoum, ikhwa, d'après ce verset coranique, il est tout à fait légiféré de donner sa zakat en plein jour devant tout le monde. La preuve de ceci, c'est le verset lui-même. Dans le sens où Sahaba donnait la zakat devant tout le monde et ensuite le prophète faisait des doa pour eux. Naam. Si il la donnait en cachette, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait prier sur eux ou leur faire des invocations? Naam. Donc le fait que le prophète leur fasse des invocations, naam, ceci les rassurait, ceci les remplissait de quiétude. Un prophète leur disait qu'Allah t'augmente en bien, qu'Allah te pardonne, qu'Allah ceci et cela. Je referme cette parenthèse. Quel est le statut juridique de cette zakat? Cette zakat est une obligation qui incombe à tout musulman dès lors qu'il remplit les conditions pour la donner. Et lorsqu'il remplit les conditions pour la donner, alors cette zakat lui est obligatoire. Ceci est établi par le livre, Kitab, le Coran, par la Sunna et par le consensus des savants. Personne ne diverge sur le caractère obligatoire de la zakat. D'ailleurs, toute personne qui ne reconnaît pas son caractère obligatoire est un mécréant à part entière. الَّذِي يَجْحَدُ فَرْدِيَةَ الزَّكَاةَ فَهُوَ كَافِرٌ بِالْإِجْمَعِ. Celui qui ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la zakat, celui-là est un mécréant, et ceci selon l'unanimité des savants. Allah dit tabaraka wa ta'ala, donc les versets sont nombreux, je vous en ai cité un ou deux, afin de ne pas trop être fastidieux. Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa atu zakat, et acquittez-vous de la zakat. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, الذين يقنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans la voie d'Allah, alors annonce-leur un châtiment douloureux. Qu'est-ce que signifie thésauriser l'or et l'argent? C'est en fait le garder jusqu'à ce qu'il prenne de la valeur. Le garder, et ne pas donner son droit aux ayants droit. C'est-à-dire ne pas sortir la zakat sur cet argent. Cela aura un châtiment douloureux. Dans la sunna, bien sûr, nous avons le hadith de Abdullah ibn Amr sur les cinq piliers de l'islam, que vous connaissez tous. Et le prophète a cité le troisième pilier, وَأَنْ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ, et il a cité وَإِيْتَاءِ الزَّكَةِ, et l'acquittement de la zakat. Aussi, il y a le hadith de Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad au Yémen Il lui a dit plusieurs choses et il lui a dit celle-ci. إذا هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على إلى فقرائهم واتقوا مكارم الأموال. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, si ils acceptent ceci, c'est-à-dire la shahada ou la prière, donc le premier et le deuxième pied d'islam, s'ils acceptent ceci, alors informez-les qu'Allah leur a prescrit une aumône qui est prélevée des riches et redistribuée aux pauvres. Et prends garde de prendre le meilleur de ce qu'ils possèdent. Comme on le verra, Inch'Allah. Dans la zakat, on ne prend pas le meilleur de ce que possèdent les gens, on prend quelque chose de, on va dire, de médian. Non? Ni trop, comment dire, ni trop, je trouve pas le terme en français, ni trop abîmé ou ni trop défaillant, et en même temps, ni trop, comment dire, onéreux. Non? On prend quelque chose de médian, Inch'Allah, quels que soient les biens, comme on verra. Pour montrer un petit peu la valeur de la zakat en islam, déjà apparemment nous savons que c'est le troisième pilier. Ceci pourrait suffire. Nous avons aussi le hadith de Jarir ibn Abdillah, qala bay'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala iqami as-salati wa ita'i az-zakat wa an-nushhi li kulli muslim, rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 57. J'ai prêté allégeance au prophète sur l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et le fait de prodiguer le bien envers tout musulman. Non. Imaginez-vous, le prophète prend l'allégeance sur ces choses-là. Ceci dénote et sous-entend qu'il y a une importance de taille qu'a donné Allah tabaraka wa ta'ala à cette zakat que beaucoup de gens négligent malheureusement. Parmi les bienfaits de la zakat, premièrement, cette zakat est une des caractéristiques principales des gens vertueux qui seront au paradis. Écoutez ces versets coraniques. Allah dit tabaraka wa ta'ala, inna al-muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layl ma yahja'un وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils furent auparavant bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et de leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Et de leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Autrement dit, ces gens-là étaient connus pour donner la zakat à leurs ayants droit. De même, celui qui donne la zakat est concerné par le verset suivant. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Et là, je viens directement à la fin du verset. Ou plutôt, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Et à la fin du verset, Allah dit تبارك وتعالى أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. C'est-à-dire, les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Donc Allah dit, ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et d'autres choses. Et à la fin, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, ceux-là, ce sont ceux qui recevront la miséricorde d'Allah. Là. Allah tabaraka wa ta'ala aussi fructifie les aumônes. Et la plus grande d'entre elles, la zakat. Il la fructifie, tabaraka wa ta'ala. On regarde du verset coranique suivant. Yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah tabaraka wa ta'ala annihile l'intérêt usuraire et fructifie les aumônes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce que signifie fructifier les aumônes? Ceci signifie tout simplement que plus tu donnes, plus Allah te donne. C'est aussi simple que ça. C'est une équation universelle. Plus tu donnes et plus tu recevras de la part d'Allah et tu recevras même plus que ce que tu as donné. Aussi, cette zakat est une des causes pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala descende les bienfaits du ciel et fait pousser les bienfaits de la terre. Écoutez ça aussi. Vous allez voir que même avec la nature dans laquelle on vit, il y a une interaction étroite avec nos agissements vis-à-vis de notre Seigneur et vis-à-vis des lois religieuses. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. C'est un hadith rapporté par Ibn Majah et transmis par Cheikh Al-Albani. Prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas des gens qui interdisent ou qui s'interdisent de donner la zakat sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne les prive de l'eau du ciel, de la pluie. Et si ce n'était pas les bestiaux, alors Allah n'aurait fait descendre la pluie. Autrement dit, ceci signifie que si des gens s'interdisent de sortir la zakat par avarice, hein, ou par le fait qu'ils renient cette obligation religieuse, alors Allah leur aurait interdit qu'une quelconque goutte du ciel ne tombe. C'est-à-dire qu'ils auraient connu la sécheresse et l'aridité. Seulement, s'ils sont de la sorte et qu'il pleut, alors qu'ils sachent que ceci est à cause des bestiaux qui, eux, méritent cette eau-là. Imaginez-vous. Donc, des fois, par nos péchés, Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte que l'on soit touché par la famine, la sécheresse et l'aridité et autres choses qui nous sont assez dures à supporter. Aussi, l'aumône, d'une manière générale, vient effacer les péchés. Voilà quand le fait comme les frères que j'ai en face de moi. Donc ça doit être, je ne sais pas c'est qui, en tout cas je les vois rigoler. Voilà. Barakallahu fikoum, un peu de sérieux. Jazakumullah al jaza. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, a rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait de nombreuses exhortations. Parmi les exhortations qu'a donné le prophète, il y avait celle-ci. Was-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yadfa'u al-ma'u an-nar. L'aumône vient éteindre les péchés et les erreurs comme l'eau éteint le feu. Non. Donc le musulman a besoin de ceci, barakallahu fikoum. A besoin que ses péchés soient effacés car il pêche tous les jours. Et ce qui vient contribuer justement à effacer et à annihiler ses péchés, c'est les aumônes. Et parmi elles, bien sûr, la zakat. Enfin, la zakat ou l'aumône d'une manière générale est une preuve de la véracité de la foi de la personne qui l'a fait. Et là, je reviens au verset coranique, barakallahu fikoum. Et la justesse du Coran et des termes employés. Allah dit tabaraka wa ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan. Wa lam yaqul khudh min amwalihim zakatan. Allah n'a pas dit prends de leur bien zakat, mais il a dit prends de leur bien sadaqa. Pourquoi avoir employé ce terme alors qu'ici le verset parle de la zakat? Car as-sadaqa il vient du verbe sadaqa yasduku, qui veut dire être véridique. Être véridique, être loyal. Et en fait, les savants expliquent que toute personne qui sort une sadaqa, notamment lorsqu'elle est en cachette, à l'abri du regard des gens, alors ceci prouve la véracité de sa foi. Ceci prouve la véracité de sa foi. Est-ce qu'un mécréant, est-ce qu'un hypocrite est capable de sortir une sadaqa en cachette? Quel intérêt qu'il le fasse, puisqu'il ne croit pas en Allah tabaraka ta'ala. Il ne croit pas aux délices de l'au-delà. Il n'a pas peur de l'enfer car il n'y croit pas. Non. Par contre, le croyant, lui, est amené à donner cette sadaqa quand bien même personne ne le verrait sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci nous prouve quoi? Ceci nous prouve la véracité de sa foi. As-sadaqa dalilun ala sidqi iman sahibiha. Là. Deuxième chose. Lorsque l'on donne fi sabilillah, on n'est pas sans savoir que l'argent ou les biens que tu possèdes, ils te sont chéris, te sont aimés. Non, toute personne aime l'argent. Quand on dit aime l'argent, c'est-à-dire il voudrait avoir de l'argent. Non. Or, le croyant relativise dans cette chose-là, dans cette relation qu'il a avec l'argent. Il sait que cet argent-là n'est qu'un moyen pour gagner l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et pas une fin en soi. Alors, lorsqu'il va dépenser de cet argent, automatiquement, il va le dépenser pour quelque chose qu'il chérit plus que cet argent-là. C'est-à-dire l'amour d'Allah et l'agrément d'Allah. Donc, il ne trouve aucun mal à le dépenser. Jazakumullah khal jaza. Voilà pourquoi on dit, voilà pourquoi on l'appelle en arabe El Mutasaddiq. Celui qui dépense de son aumône, ou de ses biens, on l'appelle El Mutasaddiq. Li'annahu sadiqun ma Allah. Car il est sincère envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà quelques bienfaits de la sadaqa en général et de la zakat en tout particulièrement. Maintenant, quelles sont les particularités, quelles sont les conditions qui viennent conditionner l'obligation de cette zakat? Premièrement, il y en a trois qui sont directement liées à la personne. La première condition, il faut qu'il soit musulman, l'islam. Car le mécréant, on ne prenait pas du mécréant de zakat, tout simplement car on sait qu'elle n'est pas acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on ne prélève pas de zakat chez le mécréant. C'est le musulman qui est concerné par cette obligation religieuse, quand bien même le mécréant sera jugé sur le fait qu'il ne l'a pas donné yawm al-qiyam. Il sera châtié à cause de ceci. Mais dans cette vie d'ici-bas, ceci ne lui est pas demandé, comme on ne lui demande pas de faire la prière. Un mécréant, la première chose qu'on lui demande, c'est de rentrer en islam, d'attester de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de reconnaître le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa prophétie. Il faut qu'il soit musulman. Allah dit tabaraka wa ta'ala: wa ma mana' an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli. Et qu'est-ce qui a empêché que leur aumône soit acceptée si ce n'est le fait qu'ils ont renié Allah et son message? Donc leur aumône n'est pas accepté. Quand bien même ils dépenseraient des montagnes d'or et d'argent, cet aumône ne sera pas accepté, cette zakat ne sera pas acceptée, car ils n'ont pas rempli déjà le premier pilier de l'islam. Deuxième chose, deuxième condition, Al-Hurriya, c'est le fait d'avoir un statut d'homme libre. Ceci vient s'opposer à l'état d'esclave, ou statut d'esclave. Il faut être libre. En général, nous, dans notre société, au XXIe siècle, on n'est plus trop concerné par ces notions d'homme libre ou d'homme esclave. Mais à l'époque, ça existait. Et quand bien même ça existerait un jour, alors il faut savoir que l'esclave n'est pas assujetti à la zakat. Ce n'est que l'homme libre. Tout simplement, car l'esclave ne possède rien. Tout ce qu'il possède appartient à son maître. Non. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man ba'a 'abdan lahu mal, fa maluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarita al-mubta'. Rapporté par l'imam al-Bukhari. celui qui vend un esclave qui possède des biens, alors ses biens appartiennent à celui qui l'a vendu. Ceci nous montre que l'esclave ne possède pratiquement rien. Enfin, lui-même est une possession de son maître. Donc celui-là n'est pas concerné par l'obligation de la zakat. Par contre, celui qui est concerné, c'est l'homme libre. Tout homme libre. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, l'enfant. Celui qui n'a pas encore atteint la puberté. Est-il obligé de payer la zakat ou non? C'est un sujet à divergence, mais la majorité des savants considèrent qu'il lui est obligatoire de donner cette zakat. Pour quelle raison? On pourrait faire aussi le parallèle avec la prière. Est-ce qu'un enfant qui n'a pas atteint la puberté est obligé de prier? Non. Il n'est pas responsable devant Allah. Tout simplement parce que la prière est une obligation d'ordre individuel. N'est-ce pas? Or, la zakat rentre en jeu beaucoup de choses. Il y a les ayants droit à la zakat. C'est une adoration d'ordre financier avec des ayants droit. C'est comme si la personne a une dette envers ses pauvres. Donc, sur cet état de fait, même celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, dès lors qu'il remplit les conditions qu'on va voir par la suite, celui-là, il est obligé de donner cet argent car c'est une dette qu'il doit. Vous avez compris? C'est intervenir dans cette adoration des éléments extérieurs qui n'existent pas pour la prière. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que c'est une obligation même pour celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Maintenant, les conditions concernant l'argent, afin qu'il soit imposable. L'argent lui-même ou les biens. Quand on parle d'argent, ou quand je parlerai de biens, il faut savoir que ce n'est pas forcément de l'or ou de l'argent, des euros ou des dollars. Ça peut être autre chose, ça, comme on le verra. Première condition, il faut que cet argent-là soit dans les quatre biens imposables cités dans le Coran et la Sunna. Ce n'est pas tout type de bien qui est imposable. Il y a quatre grandes catégories que nous allons voir en détail, Inch'Allah, au Tabarak wa Ta'ala. Donc, la première condition, il faut que cet argent soit imposable. Deux, il faut qu'il ait atteint ce qu'on appelle un nisab. Un nisab, c'est un taux qui, en fait, délimite l'imposition ou non de la personne. Autrement dit, si la personne atteint ce taux minimal, il est imposable. S'il ne l'a pas atteint, il n'est pas imposable. Ce taux-là aussi a été défini par le livre d'Allah, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra. Troisième condition qui est très importante, barakallahu fikum, il y a ce qu'on appelle istiqral al-milk. C'est-à-dire, il faut que les biens que je possède soient d'une possession entière. Possession absolue. C'est-à-dire que je les possède de plein droit. Non? Istiqral al-milk. Et pas une possession temporaire. Je vais m'expliquer. N'êtes pas sans savoir que, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, une femme qui vient de se marier reçoit la dot de son mari. Avant qu'il y ait consommation du mariage, ce mari-là la divorce. Il n'y a pas eu consommation de mariage. Alors, dans ce cas-là, la moitié de la dot revient au mari. La moitié de la dot revient au mari. Là. Donc, cette dot-là que possède cette femme, entre le moment où elle s'est mariée, là, et jusqu'au moment où elle va consommer son mariage, toute cette période-là, elle possède cette dot, mais ce n'est pas une possession absolue. C'est une possession temporaire. Comme on dit, ce qu'elle possède comme argent, comme bien durant cette période, ce bien-là n'est pas imposable. Car elle ne le possède pas vraiment. La preuve, c'est que si le mari la divorce, alors elle doit redonner 50% des biens qu'elle a touchés. Si c'était un bien absolu qu'elle possède de plein droit, jamais Allah tabaraka wa ta'ala ne lui redemanderait de redistribuer la moitié de lui. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, ceci est corroboré par le verset en lui-même. Khudh min amwalihim. Préserve de leur bien. Ici, il y a un pronom personnel. De leur bien. Amwalihim. Donc ici, il y a l'utilisation de dhamir, du pronom personnel, hein, qui prouve que ces biens-là, ils les possèdent réellement. Ils en sont propriétaires. Barakallahu fikoum, les biens imposables sont des biens qui sont obtenus et sous la propriété d'une propriété absolue et entière de ces personnes. Est-ce que vous avez compris? Donc au final, il y a six conditions. Trois qui renvoient à la personne et trois qui renvoient au bien. Les trois qui renvoient à la personne, il faut qu'il soit musulman. Deux, il faut que ce soit un homme libre. Trois, on regarde aussi les biens que possède le jeune enfant, quand bien même il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Concernant les conditions des biens en eux-mêmes, il faut premièrement qu'il soit sur les biens imposables définis dans la charia, dans la législation d'Allah. Deux, il faut qu'ils aient atteint le taux minimum, al-nisab. Et trois, il faut que ces biens-là soient acquis et possédés de manière complète par leur possesseur. Là. Nous revenons au livre, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, après avoir cité cette petite introduction. L'auteur du livre dit, Kitab al-Zakah, donc le chapitre de la Zakah. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاب. L'auteur du livre ici dit, elle est obligatoire à chaque musulman, entre parenthèses musulmane aussi, libre, possédant le nisab, ayant atteint le nisab, c'est-à-dire ce taux minimal. Donc ici, l'auteur du livre a cité quelques conditions de ce que nous avons cité auparavant. Là. Puis il dit, voilà, zakat fi malin hatta yahoul alayhi al-hawlu. Il dit, aucune zakat n'est obligatoire tant qu'une révolution n'a pas été complétée. Ce qu'on appelle en arabe el-hawl. El-hawl signifie la révolution. Révolution d'une année égyrienne. Autrement dit, les biens qui sont imposables, ce sont ceux qui sont restés en ta possession pendant au moins une année révolue égyrienne. Là, voilà pourquoi dans la définition de la zakat, nous disions que la zakat, hissatun muqaddaratun, là, fi waqtin ma'lum, dans un temps déterminé. C'est une part déterminée dans un temps déterminé. Cette zakat, quand est-ce qu'elle doit être sortie? Dès lors que les biens sont restés en ta possession pendant une année révolue, c'est-à-dire complète égyrienne. Pas une année solaire, attention, une année égyrienne. Ce que dit ici l'auteur du livre. Mais il dit, sauf Al-Kharija min al-Arm. Sauf ce qui sort de la terre. Wa ma kana tabi'an lil-asli. Et ce qui découle de la source. Je vais m'expliquer sur tout ça. Kanama al-nisab wa ribh al-tijarati fa inna hawlahuma hawlu aslihima. Comme le fait de biens qui ont fructifié. Non. Ou de bénéfices suite à un commerce, alors dans ce cas-là, la révolution sera sur la base de la première. Je vais expliquer tout ceci, Inch'Allah, tabarakallah. Ici, l'auteur du livre a parlé de la notion de l'haoul. L'haoul, barakallahu fikoum, c'est le fait que le temps s'est écoulé pendant une année complète. On appelle ça une révolution, en fait. Une révolution. Cette révolution est demandée pour trois types de biens imposables. Qui sont, premièrement, l'or et l'argent et ce qui est annexé à l'or et l'argent, comme les euros, comme les dollars, comme les devises d'une manière générale. Dans ce cas-là, on attendra un an révolu avant de sortir la zakat. Ça, c'est un. Deuxième type de bien imposable qui est aussi conditionné par ce haoul. Ce sont ceux qui possèdent des bestiaux, des bêtes de cheptel. Je vous envoie en détail à quoi cela renvoie. Alors, la zakat est prélevée sur ces bêtes de cheptel après un an révolu. Troisième type de bien imposable qui est aussi conditionné par cette révolution, ce sont les biens qui découlent d'un commerce. Et il y a le quatrième type de bien imposable qui, lui, n'est pas assujetti par cette révolution. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'auteur du livre dit « sauf ce qui sort de la terre ». En fait, ce sont les biens issus des récoltes. Non. Que ce soit des récoltes fruitières ou des récoltes agraires. Dans ce cas-là, on considérera le moment de la récolte. Ça peut être 6 mois, ça peut être 4 mois, ça peut être 8 mois. À la Koulihal, on ne prendra pas en compte la révolution d'une année. Car, pour ceux qui connaissent un petit peu l'agriculture, il se peut qu'on laboure un champ, au bout de 6 mois, on peut récolter. Hein? Donc, à ce moment-là, on demandera à celui qui a récolté son champ au bout de 6 mois de sortir la zakat sur ses récoltes à ce moment-là. On le verra, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, en détail. Non. Allah dit, tabarak wa ta'ala, concernant les récoltes et les biens, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا. Et donnez leurs droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez pas. Et n'outrepassez pas. Donnez son droit. Le droit de quoi? Le droit de ses récoltes, justement. Tu as semé du blé, alors tu te dois de payer une zakat sur ce blé que tu vas récolter. Quand est-ce? Le jour où tu récolteras. Tu as semé de l'orge. Tu as fait pousser des vignes pour récolter du raisin, pas pour en faire du vin, attention. Non. Mais pour en faire, par exemple, du raisin ou des raisins secs. Tu as des palmeraies. Non. Tu as des figuiers. Donc, au moment de la récolte, il va falloir que tu calcules ce que tu as récolté et sortir la zakat en question. Donc ici, il n'y a pas de notion de haoul, de révolution d'une année. Ceci n'est pas considéré dans ce cas-là. Par contre, dans les 3 autres types de biens imposables, il est demandé de sortir cette zakat après 1 an révolu. Jazakumullah al-jaza, se basant bien sûr sur une année égérienne, pas sur une année solaire. Car l'année égérienne comporte moins de jours. Donc si on baserait une révolution sur l'année solaire, on sortirait la zakat après son temps, ce qui constitue un péché. Donc, faites attention à ceci. Le deuxième point qu'a cité l'auteur ici, وَمَا كَانَ تَابِعًا لِلْأَصْلِ كَنَمَا إِنِّصَابِ وَلَيْحِ كَذَا وَكَذَا. Ici, il parle d'une problématique qui nous concerne ou sûrement qui vous est déjà arrivée. C'est ce qu'on appelle en arabe مَسْأَلَةُ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ. Je m'explique. Qu'est-ce que ceci signifie? Je suis au mois de Ramadan de l'année 2016. D'accord? Je parle en mois lunaire, Inch'Allah, c'est plus simple. Je suis au mois de Ramadan, l'année 2016. Bye. Je regarde ce que j'ai, par exemple, sur mon compte en banque, ou ce que je possède dans mon coffre, en dessous le lit, derrière l'armoire. Et je vois que ce que je possède est au-dessus du nisab, c'est-à-dire le taux à partir duquel je suis imposable. Je possède plus que le nisab. Donc, concrètement, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre cette date comme une date référence, ma date de départ. Donc, les mois s'écoulent et on arrive au mois de Ramadan de l'année 2017. C'est-à-dire qu'ici, on a fait un haoul, une révolution entière, une année entière. Au bout de 2017, au mois de Ramadan 2017, c'est-à-dire une année après, je constate que non seulement je suis au-dessus du nisab encore, c'est-à-dire que cet argent-là, je l'ai toujours, mais j'ai des biens en plus que j'ai acquis soit par héritage, soit par bénéfice, par le commerce, par exemple. Ou alors des dons. Alors, dans ce cas-là, il va falloir que je sorte une zakat sur cet argent que je possède, n'est-ce pas? Car il a fait un an révolu, et je suis au-dessus du nisab. Donc, je suis imposable ici. Il va falloir que je sorte cet impôt, cette zakat sur l'argent que je possède. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais, par exemple, 10 000 euros au mois de Ramadan 2016. 10 000 euros. Donc, je suis imposable. Ramadan 2017, j'ai 20 000 euros. C'est-à-dire que j'ai doublé ce que je possédais. Ces 20 000 euros-là que j'ai en plus, d'où viennent-ils? C'est ce qu'on appelle el mal el mustafan. C'est de l'argent rajouté. Cet argent-là, je l'ai acquis peut-être en cours d'année. Et il n'a pas fait un an, lui. Peut-être qu'il a fait 6 mois seulement. N'est-ce pas? Car au mois de Ramadan 2016, je ne les avais pas. Je les ai acquis peut-être au mois de Muharram. En cours d'année. Au final, Ramadan 2017, j'ai 20 000 euros. Alors, il va falloir que je considère deux choses. Je suis un petit peu technique, Inch'Allah, mais pour que vous compreniez bien cette chose, vous réécouterez le cours afin que ceci soit clair. Alors, cet argent-là, en plus, ces 10 000 euros de plus-value, de bénéfices que j'ai, il va falloir savoir comment je les ai acquis. Si je les ai acquis suite à des bénéfices d'un commerce, alors dans ce cas-là, je considère que ce bien-là n'est que une ramification des biens de base que je possédais, les 10 000. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferai? Ramadan 2017, je sors la zakat sur les 20 000 euros. Vous avez compris? Je fais comme si ces 10 000 euros que j'ai rajoutés en plus, ce que j'ai gagné en plus, je les avais depuis le départ. Pareil, imaginons que ces 10 000 euros que j'ai en plus au Ramadan 2017, c'est un héritage que j'ai eu. Un héritage. Alors, dans ce cas-là, je disais donc que si cet argent-là, ces 10 000 euros en plus, me viennent par exemple d'un don, quelqu'un qui m'a donné cet argent-là, mais qui n'a rien à voir avec de l'argent que j'ai fait fructifier par moi-même ou que j'ai hérité de plein droit. C'est de l'argent extérieur, on va dire. Dans ce cas-là, cet argent-là, je ne le prends pas en compte dans le calcul de la zakat au Ramadan 2017. Vous avez compris? Celui-là, je considérerais, pour calculer la zakat sur cet argent, de définir pour lui une date référence et de le sortir un an après. Donc, il faut considérer ici, voilà, pour le fait comme lorsqu'une année est révolue et si de l'argent a été rajouté, est-ce que cet argent, c'est de l'argent qui a été fructifié par un commerce ou alors de l'argent que je possède de plein droit suite à un héritage? Dans ce cas-là, je le joins à l'argent de départ et je sors le tout au mois de Ramadan 2017, c'est-à-dire je sortirai 2,5% de 20 000 euros, non pas de 10 000. Par contre, si c'est de l'argent qui vient de l'extérieur comme un don, par exemple, une sadaqa, alors dans ce cas-là, cet argent-là, en plus, je ne sortirai pas la zakat au Ramadan 2017, mais je sortirai la zakat un an après que je les ai touchés. J'espère que je me suis bien fait comprendre, Inch'Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle el mal ou Mustafa. Voilà pourquoi Cheikh Saadi ici dit « Wa ma kana tabi'an lil asli » ce qui, en fait, découle de la base. C'est-à-dire de l'argent rajouté, mais qui en fait découle de la base. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par exemple, Kanama il-nisabi wa ribhi tijarati. Donc, il dit, par exemple, comme le fait que tu as rajouté dans ton capital pour le commerce, ou alors que tu as fait des bénéfices, alors leur révolution à ces biens-là est la révolution de la première. C'est-à-dire que la date référence, c'est la première, Ramadan 2016. Vous avez compris? Quand bien même cet argent en plus n'a pas fait un an. Ceci étant dit, l'auteur du livre dit « Wala tajibu al-zakatu illa fi arba'ati anwar » La zakat est obligatoire que sur quatre types de biens. Donc ici, on rentre dans les biens imposables. « As-sa'imati min bahimati al-an'am » Donc ce sont les bêtes de cheptel qui pâturent, c'est-à-dire en pâturage, qui sont nourries à l'extérieur, en pâturage. Saïm, ça c'est un. Al-khariji min al-ard, ce qui sort de la terre. Donc ça c'est ce qu'on appelle les récoltes, les fruits, les graines, etc. Al-athman, al-athman, ce sont les devises, l'or, l'argent et tout ce qui est annexé à l'or et l'argent. Et enfin quatrièmement, urud al-tijarati, les biens, les bénéfices des commerces, ou tout ce qui est destiné à la vente et à l'achat. Tout ceci est imposable. Voilà les quatre types de biens qui sont imposables. La dernière catégorie, urud al-tijarati, c'est-à-dire les biens imposables, ou les biens qui sont destinés au commerce, est sujette à divergence chez les savants. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani ne considère pas que c'est un bien imposable. Aussi, l'imam al-Shawkani, ou l'imam Saddiq Khan. Le qawl al-sahih, c'est que c'est un bien imposable et c'est l'avis de la majorité des savants. On va commencer, Inch'Allah, par ce par quoi a commencé l'auteur du livre, c'est-à-dire les bêtes de cheptel. Alors, vous allez me dire, on n'est pas trop concerné. Peut-être certains d'entre vous possèdent des bêtes, des vaches, des moutons, des chameaux, c'est possible. Voilà, Kounehal, quand bien même vous n'êtes pas directement concerné par ceci, il est bien d'avoir des notions de base, avoir une idée de ce qui est demandé pour ces gens-là, Inch'Allah. Donc, ici, on va commencer par les bêtes de cheptel, puisque l'auteur du livre a dit As-sa'imati min bahimati al-an'am. Les bêtes de cheptel qui sont assujetties à la zakat sont de quatre sortes. Les camélidés, la famille des chameaux, dromadaires, les camélidés. El-Ibil. Deuxièmement, El-Bakar, les bovins. Troisièmement, Ad-Da'nou. Ad-Da'nou, ce sont les ovins. Moutons, agneaux, brebis, etc. Et enfin, la quatrième, les caprins. Chèvres, boucs, béliers, etc. Voilà les quatre types de bêtes, quatre grandes familles qui sont assujetties à la zakat. Autrement dit, il n'y a pas de zakat sur les chevaux, il n'y a pas de zakat sur les lapins, il n'y a pas de zakat sur les poules, par exemple. Il n'y a pas de zakat dessus. Sauf s'ils sont destinés à la vente, mais ça correspond à la quatrième catégorie. Donc, dans le mawashi, mawashi sont les bêtes de cheptel. Elles sont de quatre sortes. Là. Parmi ces quatre sortes, dans ces quatre sortes-là, on peut aussi les classifier en quatre catégories. Il y a celles qui sont sa'ima. Sa'ima, c'est celles qui pâturent à l'extérieur, qui pâturent dans des champs. Sur celles-ci, il y a une zakat à payer. Là. Par exemple, le matin, elles partent, pâturage, elles reviennent le soir. Ou alors, elles partent pendant 3 à 4 mois, ensuite elle redescend. C'est-à-dire qu'il y a une zakat dessus. Que ça soit des camélidés, que ça soit des ovins, des caprins, des bovins, peu importe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle al-ma'loufa. Al-ma'loufa, c'est celles qui sont nourries en étable. Sont nourries en étable. Alors, du foin, par exemple. Celles-là, il n'y a pas de zakat dessus. Hein? Déjà, on fait une différence entre sa'ima ou al-ma'loufa. Celles qui sont nourries et, comment dire, confinées en étable, celles-là, il n'y a pas de zakat sur elles. Troisièmement, al-amila. Al-amila, c'est celles qui sont utilisées. Utilisées, par exemple, pour les voyages ou pour porter des choses lourdes. Celles-là, selon l'avis de la majorité des savants, il n'y a pas de zakat dessus. Il n'y a que le Malikia qui disent qu'il y a une zakat dessus. Par exemple, j'ai des chameaux, mais ces chameaux-là sont destinés aux caravanes, à porter des charges lourdes. Ou alors, ils sont destinés au transport de personnes. Dans ce cas-là, je ne paye pas de zakat dessus. Et enfin, il y a les bêtes qui sont destinées au commerce. Bien sûr, celles-là, il y a une zakat dessus, mais elles ne sont pas sur les mêmes critères que les bêtes de cheptel qui pâturent à l'extérieur. Celles-là, elles auront les critères de celles qui sont destinées au commerce. On verra, c'est la quatrième catégorie, Inch'Allah. Hein, Mirko? Allez. Quel est le taux maintenant pour les bêtes de cheptel? Je vais essayer de ne pas trop être fastidieux et long, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais je veux en même temps que vous arriviez à comprendre la logique des choses. Et que Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré toutes ces choses-là dans les moindres détails dans l'intérêt des ayants droit à la zakat. Dans l'intérêt des pauvres et des nécessiteux et des autres catégories. Nous allons commencer par les chameaux, Inch'Allah. Une personne qui possède des chameaux n'est pas imposable que s'il possède au minimum 5 têtes. 5 têtes. Une personne qui a 4 chameaux, au mois de Ramadan 2016, il possède 4 chameaux. Est-ce qu'il commence à compter la zakat? Non. Car pour qu'il commence à compter la zakat, il faut qu'il ait 5 têtes. Deuxième hypothèse. Je suis au mois de Ramadan 2016, je possède 5 têtes. 5 chameaux. Alors, à partir de Ramadan 2016, j'en fais une date référence. Je vais considérer Ramadan 2017. Je regarde, est-ce que j'ai encore ces 5 têtes de chameaux? Si je les ai, je sors une zakat dessus. Si je les ai plus, je les ai vendus entre temps, alors je ne suis pas imposable. D'accord? Donc, pour qu'on soit imposable sur les chameaux, il faut qu'on ait au moins 5 têtes avec la révolution d'un an, qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a un an révolu. 5 têtes minimum. Celui qui possède 5 têtes de chameaux et que un an est passé, un an révolu a été complété, alors celui-là, il doit sortir une brebis à titre de zakat. Sa zakat à lui, c'est une brebis. N'est-ce pas? Ensuite, on va de 5 en 5. Celui qui possède de 6 à 10, ou plutôt de 5, ou plutôt oui, de celui qui possède de 5 à 9, une brebis. Celui qui possède de 10 à 14, 2 brebis. Celui qui possède de 15 à 19, 3 brebis. Celui qui possède de 20 à 24, 4 brebis. Parce que là, c'est clair, on va de 5 en 5. Après, à partir de 25 têtes, dans ce cas-là, on va sortir, à titre de zakat, non pas une brebis, non pas 3 à 4 brebis, on va sortir ce qu'on appelle bint mahab. C'est-à-dire une chamelle qui a un an révolu et qui rentre dans la deuxième année. C'est logique. Plus on a de têtes de chameaux, plus le troupeau est grand, plus la valeur de la zakat est grande. Elle est en proportion de ce que tu possèdes. Donc effectivement, celui qui possède 25 têtes de chameaux, alors, en proportion, il donnera une chamelle comme zakat. On dit une chamelle, la chamelle a plus de valeur que le chameau. Pour les raisons que vous connaissez, car elle enfante. Donc, on va lui donner une bentomahad. Bentomahad, c'est la chamelle qui a un an et qui rentre dans sa deuxième année. D'accord? Ensuite, on va de 10 en 10. Donc de 25 à 35, une chamelle bento maham. Ensuite de 36 à 45, bento laboud. C'est une chamelle qui a 2 ans, qui rentre dans sa 3e année. Ensuite, s'il possède de 46 à 60, alors il va donner ce qu'on appelle l'el-hekka. El-hekka, c'est une chamelle qui a 3 ans révolus, qui rentre dans sa 4e année. Là, tout ceci est corroboré par le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous allons lire tout à l'heure, inshallah, tabarak wa ta'ala, si on a le temps. Ensuite, s'il possède de 61 têtes jusqu'à 75, il va donner une jada. Un jada, c'est une chamelle qui a 4 ans révolus, qui rentre dans sa 5e année. Pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi el-jada, celle qui a 4 ans révolus, qui rentre dans sa 5e année, a plus de valeur que celle qui a 1 an et qui rentre dans sa 2e année, bento laboud, bento mahad, ou celle qui a 2 ans et qui rentre dans sa 3e année, bento laboud, ou celle qui a 3 ans et qui rentre dans la 4e, el-hekka. Pourquoi el-jada a plus de valeur? Car une chamelle qui a 4 ans et qui rentre dans sa 5e année, on sait déjà si elle est en âge de procréer ou non. Si elle a déjà procréé, si elle est en bonne santé, si c'est une chamelle qui est, féconde ou non. Donc, on a des critères qu'on ne peut pas connaître pour une chamelle qui est relativement jeune. Voilà pourquoi elle a plus de valeur. Voilà pour l'en féconde. Celui qui possède un troupeau entre 61 têtes et 75 têtes, alors celui-là, il va devoir donner une chamelle qu'on appelle Al-Jada, chamelle qui a 4 ans révolue et qui rentre dans la 5e année. Non. Ensuite, de 76 à 90, on a 2 bento laboud. De 80 à 120, on a 2 hekka. Après, pour le nombre au-dessus de 120, alors, le calcul est le suivant, très simple. Pour chaque tranche de 50 têtes, on donnera une hekka. Et pour chaque tranche de 40 têtes, on donnera une bento laboud. Je m'explique. Une personne, par exemple, a 200 têtes de chameau. Donc, il est au-dessus de 120. Donc, sur quel critère on va partir pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il doit donner? On prend par tranche de 50 têtes et de 40 têtes. 200 têtes, ça fait combien de tranches de 50? Ça fait 4. N'est-ce pas? 50 plus 50 plus 50 plus 50. Donc, on dit que pour chaque tranche de 50, on sort une hekka. Puisqu'il y a 4 tranches ici, alors on sortira combien? 4 hekka. 200 chameaux, 4 hekka. Vous avez compris? 190 chameaux, c'est 50 plus 50 plus 50 plus 40. Donc c'est une hekka plus une hekka plus une hekka. Et on a une tranche de 40 et on sortira une bento laboud pour cette tranche. Donc au final, celui qui a 190 têtes, il sortira 3 hekka et une bento laboud, etc., etc. Comprenez un petit peu ce calcul, car c'est le même pour les ovins, les caprins et les bovins. C'est exactement la même chose. Dès qu'on dépasse les 120 têtes, alors on prend par tranche de 50, de 40 et on va avoir aussi de 30. Tout dépend. À la Koulihal, si un jour vous êtes amené à avoir des bêtes de cheptel, alors revenez au livre de Fiqh, Inch'Allah. Tous ces tableaux-là ont été consignés, répertoriés. Et les calculs ont déjà été faits pour vous, Inch'Allah. Vous avez juste qu'à lire et à sortir la zakat comme il faut, Inch'Allah. Au moins, ayez cette notion-là. Comment les choses sont agencées pour ceux qui possèdent des bêtes de cheptel? Ceci est toujours par palier. Hein, par palier. Est-ce que vous avez compris ceci, Barakallahu fikoum, ikhwa? Non, ça c'est pour celui qui possède les chameaux. Non. Pour celui qui possède al-arnam. L'arnam, c'est-à-dire les bovins, c'est-à-dire les ovins et les caprins. Al-arnam, c'est les ovins et les caprins. Brebis, chèvres, béliers, bouc, qu'est-ce qu'il y a encore? Agneau. Bref, toute la famille des caprins et des ovins. Alors, dans ce cas-là, on va aussi procéder de manière générale dans le même principe, sauf que les paliers ne sont pas les mêmes. Car les ovins n'ont pas la même valeur que les camélidés. Comme un chameau a beaucoup plus de valeur qu'un agneau ou qu'une chèvre. Donc, concrètement, pour les ovins, qu'en est-il? À partir de combien de têtes d'ovins est-on imposable? On avait dit pour les chameaux, à partir de 5 têtes, n'est-ce pas? À partir de 5 têtes, on donne quelque chose. Ici, c'est à partir de 40 têtes. Comme on dit, quelqu'un qui a 30 moutons et au bout d'un an, il a toujours 30 moutons ou 37 moutons, celui-là n'est pas imposable. Car pour être imposable, il faut posséder au moins pendant une année révolue 40. N'est-ce pas? Oui. Dès lors qu'on a dépassé 40, ou dès lors qu'on a 40 jusqu'à 120, dans ce cas-là, on sort comme zakat une brebis. Chatul wahid. Ensuite, de 121 à 200, deux brebis. Ensuite, de 201 à 300, trois brebis. Ensuite, de 301 à 400, quatre brebis, etc., etc., etc. On va de 100 en 100 à chaque fois. Non, mais quoi? C'est-à-dire que dès qu'on dépasse 100, dès qu'on dépasse 120, on va de 100 en 100. Sinon, c'est de 40 à 120. Là, 90. De 40 à 120, 80. Ça, c'était concernant les les ansiba, c'est-à-dire les taux à partir duquel celui qui possède des ovins est imposable. Là. Il nous reste à voir les bovins. Les bovins, la personne est imposable sur les bovins à partir de 30 têtes, pas avant, sur une année révolue. Donc de 1 à 29, il ne paye rien, il n'a pas de zakat à payer. De 30 à 39, là, il va devoir sortir ce qu'on appelle at-tabi'a ou at-tabi'a. Qu'est-ce que tabi'a ou at-tabi'a? C'est un veau qui a un an révolu. Hein? Celui qui possède, par exemple, 35 têtes de vache ou de taureau ou de bœuf sur un an, il sortira un veau d'un an révolu. De 40 à 59, une moussenna, c'est-à-dire une vache qui a deux ans révolu. De 60 à 69, deux tabi'at, c'est-à-dire deux veaux d'un an révolu. De 70 à 79, un tabir et une moussidna, etc., etc. Je ne vais pas vous citer tout le tableau, Inch'Allah, mais en tout cas, le principe est celui-là. Le principe est celui-là. L'auteur du livre ici va citer le hadith justement qui détaille tous les taux qui sont conditionnés sur les bêtes de cheptel. Al-Ansiba fil Mawash. Donc je ne vais pas vous relire le hadith, Inch'Allah, c'est plus ou moins ce que j'ai dit à travers ces tableaux. Seulement, il y a quelque chose de très important qu'a cité ici l'auteur. Donc c'est à la page, pour ceux qui ont le livre, la page 173. 163 fois. Il dit وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشَّةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. Il y a deux choses ici, par exemple. Il dit la yujma'u bayna mutafarriqin wa la yufarraqu bayna mujtami'in. Je m'explique. Vous savez que, par exemple, quand quelqu'un il possède plein de bêtes comme ça, bêtes de bétail ou de cheptel, lorsque vient le moment de la zakat, on a ce qu'on appelle al-jubat. Al-jubat, dans un état islamique, ce sont ceux qui sont mandatés par le gouvernement, le wali ou le gouverneur, pour récolter la zakat. On appelle ça un percepteur, si vous voulez. Donc, ils viennent dans les champs et ils disent, voilà, je vais compter combien tu as de bêtes. Donc il compte, il fait le décompte. Oui, justement, il peut même ramener une équipe avec lui. Après décompte, il dit, voilà, là tu es imposable sur ça, tu me dois ça, là tu es imposable, là tu n'es pas imposable, etc. Or, il peut y avoir ce qu'on appelle des manigances, c'est hiyal. Je m'explique. L'auteur du livre dit ici, la yujma'u baina mutafarriqin. La yujma'u baina mutafarriqin. Imaginons qu'il y a trois personnes qui ont chacun un troupeau. Ils ont chacun un troupeau de moutons de 40 têtes. Donc, Mohamed a un troupeau de 40 têtes. Mahmoud a un troupeau de 40 têtes. Ismaïl a un troupeau de 40 têtes. Chacun a un troupeau de 40 têtes, n'est-ce pas? Normalement, ils sont assujettis, chacun d'entre eux, à la zakat, n'est-ce pas? Car pour les moutons, pour les ovins, celui qui possède 40 têtes, il doit sortir quoi? Une brebis. Allez. Qu'est-ce qu'ils font? Avant que le jabi, avant que le percepteur arrive, ils disent non, ce qu'on va faire, on va rassembler tout le mouton, comme si c'était un troupeau de 120 têtes. 40 plus 40 plus 40. Allez. Question, celui qui possède un troupeau de 120 têtes, combien il paye en zakat? Et je vais vous le rappeler, il paye aussi une brebis. N'est-ce pas? Que tu possèdes 40 ou 120, tu payes une brebis. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va faire en sorte que c'est un seul même troupeau. Comme ça, au final, on sortira qu'une seule brebis en zakat. Et ensuite, entre nous, on s'arrange. On partage le prix de cette brebis en trois. Alors que normalement, chacun devait donner une brebis pour les 40 têtes qu'il possédait chacun. Vous avez compris la hila ici? La ruse qu'ils ont fait. Donc, Jama'u al-Mutafarriq. Ils ont rassemblé ce qui était divisé. Ils ont rassemblé les troupeaux qui, à la base, n'ont pas lieu d'être rassemblés. Tout ça pour payer moins de zakat. Le contraire, il est aussi vrai, barakallahu fikoum. Wala yufarraku bayna mujtami'i. Par exemple, quelqu'un qui possède un troupeau de 40 têtes. On va prendre les moutons. On va prendre le même exemple. Il est assujetti à donner une brebis en zakat, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène un de ses collègues, il dit, tiens, tu prends 20 têtes ici, tu dis que c'est à toi. Et moi, je prends 20 têtes, je dis que c'est à moi. Quand le percepteur arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'un tel possède 20 têtes et l'autre possède 20 têtes. Au final, il ne paye rien. À 20 têtes, ils ne sont pas assujettis à la zakat. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Fagraku, makana, ils ont divisé ce qui était à la base réuni. Ce qui constitue à la base un seul et même troupeau, ils l'ont divisé en deux. Ou en trois, ou en quatre, peu importe. Vous avez compris? Ça, c'est strictement interdit en islam. Celui qui fait ça, qu'il sache qu'il devra rendre des comptes à Allah, tabarak wa ta'ala, le jour du jugement. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, inshallah, tabarak wa ta'ala. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est beaucoup mieux, car sinon les informations vont s'accumuler dans vos esprits. Et je n'ai pas envie d'aller trop vite sur ce chapitre-là. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. On parlera la semaine prochaine de la zakat sur l'or et l'argent. Donc ça nous concerne tout particulièrement. La zakat sur les... comment on appelle ça, c'est-à-dire les récoltes, les fruits, etc. On parlera de ça la semaine prochaine, inshallah tabarak wa ta'ala. Inshallah tabarak wa ta'ala, yahdiyana wa yahdiy bina wa ja'alana sababan liman ihtada. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.